Le frérot est libérable. Mysterio Kataka, mets tes fesses détresse. Le frérot est libérable. Mysterio Kataka, ça c'est HLM 13. Mysterio toujours le best. Derko.